Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. This is Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et tous sur 106,6 MHz ou sur campuslille.com. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus et vous faites bien. C'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise, Lille, Roubaix-Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq. Attaque, l'association pour la transaction, pour la section des transactions financières et pour l'action citoyenne. Une émission en deux parties, une grande partie, on peut parler les trois quarts de l'émission consacrée au questionnement que nous nous posons, nous, militants d'attaque autour de cette table, et une autre partie consacrée à l'activité d'attaque nationale ou locale. De quoi parle-t-on aujourd'hui justement dans ce questionnement? Eh bien, on vous a parlé du président des riches, nous allons vous parler des riches du président. Je parle ici des actionnaires qui, moins que dans les entreprises, comme on essaie de vous le faire croire, investissent d'abord dans la bourse, le marché de l'occasion des dites actions avant et plutôt que d'investir vraiment dans l'entreprise et l'économie réelle. S'ils investissaient vraiment dans l'économie réelle, les actionnaires, ça se saurait. Et les théories du premier de cordée qui ruissellent, on en parlerait tous les jours à la télé, et le premier au courant serait René Lascience. Bon, eh bien, les actionnaires achètent des actions. En contrepartie, ils reçoivent des dividendes versés par les entreprises. Aujourd'hui, on parle des entreprises du CAC 40, c'est donc pas n'importe lesquelles. Précision utile, la distribution des dividendes est parfaitement légale, bien sûr. C'est plutôt les montants versés qui posent problème en ces temps où la fracture sociale, et morale d'ailleurs, ne concerne plus seulement la grande pauvreté, elle concerne une grande partie des salariés. Les travailleurs pauvres, ça existe, c'est pas seulement une statistique. Les gilets jaunes nous rappellent utilement tous les week-ends. Nous avons au téléphone la personne la mieux à même de nous expliquer la valse des dividendes du CAC 40, puisqu'elle est co-auteure d'une étude dont le titre est sans ambiguïté, des profits sans partage, une étude publiée par Oxfam, auquel appartient notre invitée, Pauline Leclerc. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce midi également. Et nous donc, vous êtes donc au téléphone de Paris, je suppose, de la région parisienne? À Paris, tout à fait. D'accord. Eh bien, c'est Louis avec qui vous étiez en contact qui va vous poser la première question. Merci beaucoup. Oui, c'est à n'en pas douter par excès de modestie que cet été, la France a fêté son titre de championne du monde de football comme si elle n'était pas d'ores et déjà championne du monde dans une autre discipline et non des moindres, en l'occurrence celle de la distribution de dividendes. Cette information, donc ainsi que le disait Christian, nous l'obtenions en mai dernier à la lecture du rapport que vous publiez avec le BASIC. Première question pour introduire le propos de cette émission. Quelles sont les raisons qui ont présidé à ce qu'avec le BASIC, vous décidiez de vous pencher ainsi sur ce qu'il s'agit de regarder comme une obsession du capitalisme français pour la rémunération des actionnaires? Alors l'histoire de ce rapport, il part d'une question simple et d'une observation. Les grandes entreprises françaises ont retrouvé à partir de 2009 leurs bénéfices d'avant-crise. En fait, on s'est posé la question, alors que les effets de la crise tendent à se diminuer à partir de la période 2009, aujourd'hui nous sommes en 2018, comment ont évolué ces bénéfices et surtout, est-ce que les grandes entreprises ont partagé, ont fait ruisseler, pour reprendre une expression qu'on utilise beaucoup, ces bénéfices avec l'ensemble de leurs salariés? Et la conclusion, elle est sans appel. Depuis 2009, les grandes entreprises du CAC 40 n'ont jamais aussi mal partagé les richesses qu'elles créent. On a pris l'exemple d'un billet de 100 euros. Sur 100 euros, depuis 2009, les grandes entreprises ont reversé en moyenne plus des deux tiers de ces bénéfices à leurs actionnaires, ne laissant que 5 euros à leurs salariés sous forme de primes et d'intéressement, et un peu plus de 27 euros pour le réinvestissement au sein des entreprises. Et vous l'avez dit très justement, ce rapport consacre un triste titre à la France, puisqu'on révèle par ce rapport que la France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de bénéfices en dividendes aux actionnaires. Oui, effectivement. Vous soulignez même que cette obsession a conduit un certain nombre d'entreprises cotées à continuer de distribuer d'importants dividendes tout en accusant des pertes, ainsi que distribuer davantage de dividendes qu'elles présentaient de bénéfices sur une même période. C'est notamment le cas de vous citez ArcelorMittal, Engie, Veolia. Engie, dont on rappellera au passage qu'elle est une entreprise qui est le résultat de le résultat partiel à tout le moins de la privatisation de GDF. Tout à fait. Vous avez cité les deux, trois exemples significatifs pour préciser aux auditeurs. Donc ArcelorMittal, entre 2012 et 2015, a versé des dividendes alors qu'elle faisait des pertes. Elle a enregistré des pertes de 3,3 milliards et dans le même temps, sur cette même période, elle a versé plus de 7 milliards d'euros à ses actionnaires. C'est complètement délirant. De son côté, Engie, en 2016, elle a versé 15 fois plus de dividendes qu'elle n'a fait de bénéfices. Donc en fait, ces deux exemples, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors il y a deux grandes leçons. Donc, la première, c'est que il y a un partage inégal des richesses créées par les entreprises. Et donc ça a quoi comme conséquence ? Ça a conséquence l'aggravation des inégalités, qui, vous l'avez très justement rappelé dans le petit propos introductif à cette émission, dans le contexte actuel où on parle de plus en plus de cette crise des inégalités, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, on cherchait justement à montrer comment les pratiques nocives de ces grandes entreprises alimentent une spirale qui accroît les inégalités. Donc ça, c'est le premier scandale à révéler, la première indignation à susciter, c'est les grandes entreprises qui font des bénéfices colossaux ne partagent pas équitablement la richesse qu'elles créent. Elles sont extrêmement généreuses envers leurs actionnaires et à l'inverse, ne laissent que des miettes à leurs salariés. Parce que quand sur un billet de 100 euros, on ne donne que 5 euros à ses salariés, on est dans ces proportions. Et la deuxième leçon, pour aller plus loin, c'est que ces chiffres, et ce qu'on vient de rappeler sur Arcelor, Engie, qui sont dans cette obsession du reversement des dividendes à leurs actionnaires et d'un profit de court terme, on voit qu'on est dans un modèle économique en fait, qui déraille, qui va dans le mur, qui n'y voit plus clair. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà d'associations comme Oxfam, également comme ATTAC et comme beaucoup d'organisations de la société civile qui alertent sur ces pratiques, aujourd'hui, on a de plus en plus d'économistes, d'acteurs économiques et également de fonds d'investissement qui alertent sur cette course effrénée au profit de court terme qui met en péril en fait la bonne santé économique des entreprises. Le FMI, le Fonds monétaire international aujourd'hui, aussi alerte sur cette tendance puisqu'en effet, la tendance à rémunérer de manière considérable les actionnaires pénalise le réinvestissement. Et le réinvestissement, c'est ce qui permet à une entreprise de grandir. Donc on voit bien que là, on est dans un modèle économique qui va dans le mur. Donc il est temps de sonner la sonnette d'alarme. Merci. Une question de René, dit la science. Oui, la question, c'est en cas de perte, notamment, comment font-elles pour pouvoir reverser à leurs actionnaires ? C'est une question qui revient beaucoup. elles vont puiser dans leurs réserves, emprunter. L'emprunt, par exemple. Voilà, ouais, tout à fait. Et je voulais dire aussi, pourquoi n'ont-elles pas recours à d'autres modes d'investissement ? Parce que là, on a affaire à une fuite en avant. Par exemple, le crédit bancaire ou l'émission d'obligations. Alors, c'est une question très intéressante parce que si on pose la question, en fait, pourquoi on observe cette tendance récente de cette rétribution excessive des actionnaires. Il y a deux causes principales. La première, c'est que les grandes entreprises du CAC 40 ont tendance ces dernières années à aller chercher de l'investissement plutôt par des émissions d'actions que par l'emprunt auprès des banques. Donc ça, c'est un premier faisceau d'explication qui est très important. Et la deuxième explication tient au profil de l'actionnariat du CAC 40. De plus en plus, on est sur des actionnaires fonds d'investissement et des actionnaires étrangers. Et il faut sortir du mythe de l'actionnariat individuel qui est vraiment très faible. Donc voilà les deux facteurs explicatifs de cette tendance à la rétribution des actionnaires dans ces proportions. D'accord. Alors donc on a bien compris effectivement que c'est plutôt l'émission d'actions d'ailleurs donc faire augmenter la rentabilité du capital investi, je suppose. Et une autre question que peut-être on aurait dû poser en amont, c'est peut-être le point méthodologique. En fait, les entreprises du CAC 40, vous en avez 30 en fait, dont vous avez à peu près la comptabilité. Vous travaillez sur ce qui est distribué généralement aux assemblées générales des actionnaires, c'est-à-dire le rapport d'activité de l'entreprise, j'imagine. Voilà. Et en fait, on a peut-être des petites questions qui nous ont surprises, mais René l'a déjà un peu évoqué. Les entreprises qui distribuent des bénéfices lorsqu'on n'en a pas, en fait, qui distribuent des dividendes lorsqu'il n'y a pas de bénéfices, plus exactement. Et puis aussi ce ratio dividende sur bénéfice qui peut être supérieur à 100%, qui était la même ou à peu près. Sur ces questions méthodologiques, avez-vous quelques pistes à nous donner? Comment vous avez travaillé parce que on sait aussi qu'il y a une critique qui a été faite, notamment sur le fait que vous intéressez qu'au rapport d'activité, que vous n'êtes pas annuel et non pas dans la durée, par exemple. Alors, je vais essayer de... On va reprendre... Oui, j'ai peut-être été un peu long, en effet. Sur la méthodologie, non, il n'y a aucun problème. Donc, déjà préciser que c'est une étude qui nous a pris énormément de temps. Donc là, je fais honneur à mes collègues qui ont... chercheurs au sein d'Oxfam qui ont fait cette recherche et aux personnes qui ont travaillé aussi au sein du BASIC. Oui, donc je précise, on ne l'a pas dit, excusez-moi, le BASIC, c'est le Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. Voilà, tout à fait. Donc c'est plusieurs mois de recherche pour aller passer au peigne fin à l'activité des entreprises du CAC 40. Donc effectivement, on est sur 30 entreprises, parce qu'en fait, on a cherché... Voilà, on se positionne sur la période 2009-2016. Comme je vous expliquais, on est parti de 2009 parce que c'est l'année à partir de laquelle les entreprises du CAC 40 ont commencé à reprendre une pente, on va dire, ascendante de leurs bénéfices, et c'est le point de départ de l'intérêt de notre étude. Donc on est sur 2009-2016 et on est allé chercher 13 données, je ne vais pas toutes vous les lister, 13 données clés pour chacune des entreprises. Ça va du chiffre d'affaires aux impôts payés, nombre d'employés, montant des dividendes, rémunération des PDG, etc. Et donc, pourquoi 30? Parce qu'on a cherché, en fait, pour pouvoir comparer les entreprises entre elles, il fallait s'assurer qu'on était sur... on pouvait comparer les mêmes entreprises. Il y a les entreprises qui rentrent, qui sortent du CAC 40 sur cette période. Donc voilà, on est sur ces 30-là. Et donc à partir de ces 13 données, on a dégagé 3 indicateurs qui sont dans le rapport, qui correspondent aux 3 grands chapitres de ce rapport et qui correspondent, selon nous, aux 3 ingrédients de la spirale des inégalités au sein du CAC 40. Le premier indicateur, c'est de faire le ratio versement des dividendes par rapport aux bénéfices. Le deuxième ratio, c'est de mesurer les écarts de salaire. Et le troisième indice, c'est la présence des entreprises du CAC 40 dans les paradis fiscaux via leurs filiales. Puisqu'on parle de la méthodologie, ce qui est intéressant, et le message qu'on fait passer aussi avec ce rapport-là, c'est qu'il y a un manque criant de transparence des entreprises pour communiquer ces données. En fait, il y a deux problèmes. Il y a des données qui ne sont pas disponibles, comme par exemple, évidemment, la présence dans les paradis fiscaux, il manque de la transparence, donc là, c'est une difficulté. Le salaire médian n'est pas connu, c'est partie des choses que ça me demande, qu'on inscrive dans la loi l'obligation de publier le salaire médian. Et puis il y a les données qui sont très peu lisibles. Sur les 13 données que je vous ai citées tout à l'heure, en fait, la manière dont les entreprises communiquent ces données, elles sont extrêmement... Il faut les désagréger. Enfin, voilà. Donc, nous, ça nous a demandé aussi beaucoup de travail de ce côté-là. Et ça, ça fait aussi partie des messages au-delà des demandes politiques. C'est des demandes qu'on adresse à ces entreprises parce qu'il y a un enjeu de contrôle citoyen aussi. Voilà, donc, oui. Voilà pour l'histoire de l'étude. Redites-moi peut-être les questions que vous posiez. Alors, il y avait plusieurs questions, notamment la question d'effectivement, vous avez été critiqué sur la période, vous avez répondu, effectivement. J'avais l'autre question, c'était sur les indicateurs, mais vous répondez. Je crois que c'est tout. Les amis, j'ai dit autre chose là ? Non ? C'est possible ? René, pas une question. Oui, justement, vous avez souligné aussi dans la méthodologie du rapport donc ce manque d'homogénéité des données. Comment cela peut s'expliquer ? Normalement, il devrait y avoir des normes standards par rapport donc à ces données, telles que le chiffre d'affaires, les impôts sur les bénéfices, etc. Ça devrait être pareil pour toutes les entreprises, il me semble. Ben, à l'heure actuelle, non. Et c'est précisément ce que vous dites. Il y a un manque d'homogénéité et d'uniformisation, tout oui. à fait. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas cette obligation qui existe. Donc ça peut être une demande qu'on formule également. Comme je disais, il y a un enjeu de... Parce qu'au fond, c'est les entreprises qui décident comment elles vont présenter leur... leur bilan, leur etc. Pauline ? Non, faut la rappeler, je pense. Est-ce que je mets une chanson ou... Non, mais non. Je vais meubler. Voilà le. Jean, pardon. On a effectivement perdu Pauline Leclerc, mais on va. Florent va se débrouiller pour la rattraper immédiatement. Bon, on a déjà une première idée de ce rapport, hein, notamment sur le fait que vient de souligner nettement René, il n'y a pas d'homogénéité des différentes données statistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai quelque chose dans l'oreille qui ne va pas bien. Oui, alors effectivement, c'est une information globale, donc a fortiori, puisque c'est global sur la bourse, ça renforce l'écart des entreprises du CAC 40, des dividendes des entreprises distribuées par le CAC 40. Nous avons retrouvé Pauline Leclerc. Je suis de retour. Voilà. c'est René qui était interrompu en pleine question et bon. Qui vous la repose du coup. Oui, donc on parlait, je crois, du manque d'homogénéité des normes. Je disais, donc il me semblait que ça devrait être commun à toutes les entreprises. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et ça rendrait le travail de la société civile beaucoup plus aisé. Et c'est vrai que là, il faut quand même mesurer le temps et tout le travail que ça nous a donné. Oui, c'est ce que vous soulignez d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, alors, ce qui semblerait, en fait, dans notre, dans votre travail, c'est que puisque vous avez étudié une période de bien définie de 2009 à 2016, qui est quand même une période qui suit la crise de 2007-2008, ça voudrait dire que les actionnaires, et vous avez souligné très justement les fonds de pension, ne se sont pas portés plus mal en dépit de la crise de 2007-2008. Exactement. C'est un des constats du rapport. Et voilà, le paradoxe qu'on cherche à montrer, c'est que depuis 2007, la taille du gâteau a considérablement augmenté. On est sur plus 60% de bénéfices entre 2009 et 2016. C'est considérable. Alors pourquoi les actionnaires ont raflé plus des deux tiers de ces bénéfices-là quand les salariés n'ont récolté que des miettes? C'est vraiment ce constat très simple qu'on met en lumière et qui est sans aucun doute témoigne de ces inégalités dans ces entreprises. Vous pouvez un peu reprendre les chiffres pour dire combien les salariés ont été un peu, pas floués, parce que tout cela est parfaitement légal, il faut quand même le rappeler, mais ont été les parents pauvres, on va dire. Oui. Alors, ce que j'expliquais, donc, c'est qu'on a fait une moyenne entre 2009 et 2016 sur les entreprises du CAC 40. Sur 100 euros de bénéfices, les salariés n'ont touché à peine plus de 5 euros. Il y a un autre constat très fort qu'on fait aussi dans ce rapport, c'est l'objet du chapitre 2, ce sont les écarts de salaire au sein des entreprises du CAC 40 qui croisent de manière vertigineuse. Ce que je voulais dire juste avant ça, parce que j'ai oublié tout à l'heure, expliquer que ce qu'on vit actuellement en termes de partage des richesses au sein du CAC 40, est assez inédit, et c'est intéressant de voir que c'est depuis la crise que ça s'accélère. En gros, sur notre billet de 100 euros, 2 tiers vont aux actionnaires, 5 euros pour les salariés et 27 euros pour l'investissement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les années 2000, on était à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc on voit bien cette dérive qui tient à cette période récente. Donc pour revenir sur les écarts de salaire, là aussi, on a mesuré l'évolution. Alors, tenez-vous bien, aujourd'hui, un patron du CAC 40, donc le chiffre 2016, hein, pour aller qui correspond à la fin de la période, en 2016, un patron du CAC 40, il gagnait en moyenne 119 fois plus que le salarié moyen de son entreprise. 119 fois plus. En 2006, on était à 96 fois plus, qui était déjà un chiffre, un chiffre énorme, mais voilà, on voit qu'on est sur une progression très forte. Donc voilà ce que je peux vous dire comme chiffre fort qui témoigne de la manière dont les salariés sont sacrifiés. Je peux aussi vous dire que sur la période, les actionnaires ont été 3 fois plus rétribués que les salariés. Voilà, c'est autant d'indicateurs qui montrent que les salariés sont les grands sacrifiés de ce partage des richesses, alors que, comme je le disais tout à l'heure, le gâteau grandit. Donc voilà, et ce qui est l'injustice aussi, c'est que c'est comme si on considérait que les salariés ne contribuaient pas à cette richesse, alors ils sont les premiers contributeurs de cette richesse. Donc là, il y a comme un paradoxe, et si on peut se parler un peu des solutions peut-être, parce qu'on est sur des constats, pas tout de suite. Pas tout de suite, on a encore quelques questions à vous poser. Ouais. Pour être tout à fait clair, la participation des salariés dans les bénéfices, c'est la participation aux fruits de l'expansion ou des choses comme ça, je veux dire. Oui, voilà. Quand je parle de 5 euros, ce n'est pas le salaire. Non, bien sûr. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Par contre, si on parle du salaire, là aussi, on voit que la rétribution des actionnaires des entreprises du CAC 40 a augmenté 3 fois plus vite que les salaires. Oui. Donc là, on se positionne après partage des bénéfices. En Et là plus, aussi, c'est considérable. En plus, si on voulait chipoter, effectivement, on pourrait dire que les bénéficiaires des dividendes ont aussi d'autres bénéfices, à savoir la suppression de l'impôt sur la capitalité immobilière et puis la flat tax. René, une question. Oui, eh bien, puisqu'on parlait des inégalités salariales, justement, au sein des entreprises du CAC 40, qui sont souvent des grandes entreprises, en fait, les syndicats sont, je pense, bien présents et organisés. Dans ce cas, quelles sont leurs analyses et leurs critiques vis-à-vis de cette situation qui privilégie l'actionnariat, fragilise les entreprises et creuse l'inégalité ? Et de l'étude, bien sûr. Et comment ont-ils réagi, justement, à votre rapport ? Ils ont réagi très positivement, enfin si je peux dire positivement dans le sens où ils partageaient notre analyse. Tout à fait, pendant notre étude, on a été en lien avec plusieurs syndicats pour nous aider, nous, dans notre analyse, le défrichement des données, etc. Et oui, bien évidemment, ils partagent cette analyse. Ils font le travail dans leurs entreprises pour alerter sur les écarts de salaire et cette répartition injuste des bénéfices, non, bien évidemment. Donc je sais qu'ils ont porté avec beaucoup de vigueur et d'intérêt les chiffres qu'on rapportait dans ce rapport, parce que c'est assez précieux pour les syndicats aujourd'hui, comme pour les salariés, hein, j'allais dire, d'avoir ces données en main. C'est une manière aussi d'attester des injustices en place et d'avoir la preuve qui atteste de la nécessité de changer ce système économique qui ne fonctionne plus. Une question de Louis ? J'entends une question, mais davantage une remarque qui, me semble-t-il, est importante, qui plus est par les temps qui courent, puisqu'on évoque la situation précise des salariés des entreprises cotées, mais il importe aussi de souligner que, compte tenu du poids de ces entreprises dans l'économie française, c'est toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de sous-traitance qui voit peser sur elle le poids de la pression actionnariale. De prime abord, seules les entreprises cotées sont concernées, mais compte tenu donc du poids de ces entreprises, cette pression actionnariale pénètre tout l'ensemble du tissu industriel dans toute sa profondeur. Absolument. Absolument, et ce qui est intéressant, c'est de voir, donc ce rapport, il mesure l'activité de ces entreprises du CAC 40, y compris dans leurs filiales à l'étranger. Donc c'est intéressant de voir, par exemple, que du coup, Carrefour, par exemple, on voit que là, sur les écarts de salaire, ça prend des proportions vertigineuses, parce que on imagine bien que de par son activité et le nombre de filiales que ce groupe a à l'étranger, qui a des écarts de salaire, mais qui sont tout aussi injustes. Mais oui, bien sûr. Une intervention de Ludovic. Le rapport n'a pas manqué, effectivement, de susciter quelques critiques, notamment dans la presse financière française. Je vous fais référence à un article qui a été paru donc au mois de mai dans le journal Les Échos, qui appartient donc à M. Bernard Arnault. Et dans cet article, il laisse entendre que vous oublierez manifestement, vous auriez oublié de préciser que les dividendes ne s'entendent pas comme les intérêts d'un compte sur livret ou sur un portefeuille fixe, mais sur des actions dont le cours est fluctuant. Donc un actionnaire pourrait gagner de l'argent avec les dividendes, mais en perdre sur le capital. C'est ce que laisse entendre cet article. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors oui, on a entendu ces critiques. Bon, c'est légitime et on le comprend quand on soulève de telles questions. Hein. Les chiffres que l'on révèle et l'analyse que l'on met au jour, elle n'est pas anodine. Donc voilà, non, sur est-ce que la rémunération des actionnaires sont un salaire ? Non, on a répondu que, et c'était, on en discutait tout à l'heure, hein, un actionnaire, il a d'autres sources de revenus autres que par la rémunération des dividendes. Donc là, on est vraiment dans une comparaison de poids, de mesure qui, je trouve, est assez déplacé. Après, si ça intéresse vos auditeurs, on a publié une note qui répond à différents types de questions qu'on a pu entendre de la part de nos adversaires. Par exemple, on a répondu à la question « L'étude prend-elle en compte d'autres rémunérations d'actionnaires que les dividendes ?» La question du fait que le rapport ne prend pas en compte le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire avant versement des salaires. Donc voilà, j'invite vos auditeurs à se rendre sur le site d'Oxfam France pour aller consulter peut-être cette note qu'on a publiée justement en réponse aux critiques. On a aussi mis en ligne toutes les annexes qui ont permis de mettre en évidence les chiffres du rapport. Donc après, on a décidé de mettre à disposition notre base de données. Donc aujourd'hui, si un de vos auditeurs veut aller regarder combien, pour citer Total verse comme dividende en 2010 à ses actionnaires, ben, il peut le trouver immédiatement avec un chiffre extrêmement précis. Absolument. Donc, c'est à disposition. C'est sur le site d'Oxfam et vous avez toutes les données clés par entreprise. Une question de René, alors. Oui, peut-être une dernière question là sur ce sujet. Les nouvelles normes comptables qu'on appelle IFRS, qui se sont progressivement imposées depuis les années 2000, et notamment l'évaluation à la juste valeur, comme on l'appelle, ont-elles eu un impact sur la situation actuelle et dans quelle mesure? Alors là, je crains de ne pas pouvoir répondre à votre question. Je suis vraiment navrée, mais je l'ai noté et je vais l'étudier dès lundi au bureau avec mes collègues. C'est intéressant. Ouais. Non, là-dessus, je ne vais pas avoir de réponse précise. Merci de votre franchise. Effectivement, cette norme est plutôt favorable au capital financier et donc à la valorisation de l'entreprise, non pas par les actifs, mais par la bourse, en fait, et qui pose effectivement des problèmes à tous les managers des entreprises dès l'instant où ils voudraient développer sur le long terme leur entreprise et que les actionnaires visent le court terme. En gros, c'est la réponse. On va peut-être avoir une question de Louis. Avant d'en venir aux solutions proposées, on peut souligner que parmi les plumés, en quelque sorte, les administrations publiques tiennent leur rôle, qu'elles soient centrales, locales, de sécurité sociale, puisque outre donc les pertes d'ores et déjà engendrées en termes de recettes publiques par ces stratégies mises en œuvre pour accroître les bénéfices, d'ailleurs directement comme indirectement, puisqu'il importe aussi de souligner que les délocalisations, les licenciements, les emplois précaires, l'austérité salariale contribuent à déprimer la demande intérieure. Le rapport indique donc les entreprises du CAC 40 détenaient 1454 filiales dans les paradis fiscaux, soit 20% de plus qu'en 2008, et d'autre part que les impôts acquittés par ces entreprises, s'ils ont augmenté de 28% entre 2009 et 2014, ils n'ont augmenté que de 28%, si j'ose dire, contre 61% pour les dividendes. Oui, je vous remercie de parler de ce dernier aspect qu'on a choisi d'analyser dans les pratiques nocives des entreprises. Au-delà du déversement record de dividendes, des écarts de salaire, il y a aussi une stratégie d'évitement de l'impôt de la part de ces grandes entreprises en recourant à l'évasion fiscale, en plaçant des filiales dans les paradis fiscaux. Vous l'avez dit, 1454 filiales en 2016 pour les entreprises du CAC 40, au bas mot, parce que c'est les filiales que ces entreprises veulent bien déclarer. Mais c'est aussi le recours à des niches fiscales. Le CIR, le CICE, depuis 10 ans, les crédits d'impôt ont été multipliés par 2 en montant versé. Pour autant, on attend toujours des contreparties, des études d'impact qui ne sont pas là. Et ça pose un vrai problème de justice également, de justice fiscale, puisque on en parle beaucoup actuellement. J'en profite aussi pour expliquer à vos auditeurs, en effet, que quand on parle aussi, beaucoup aujourd'hui de la fiscalité des entreprises, des grandes entreprises. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que quand on analyse la tendance sur le long terme, depuis 10 ans, il faut savoir que l'impôt sur les sociétés, des entreprises a été réduit de 40%. Et dans le même temps, sur la même période, pendant 10 ans, les bénéfices ont augmenté de 10%. Donc on voit bien que les entreprises font plus de bénéfices et elles payent moins d'impôts. Donc ça, c'est le cadre général. Et alors que l'impôt sur les sociétés n'a jamais autant baissé, eh ben on a toujours de l'évasion fiscale et on a toujours aussi peu de transparence sur les niches fiscales dont elles bénéficient. Et l'urgence aujourd'hui, parce que c'est important, il y a peut-être des patrons de petites, moyennes entreprises qui nous écoutent. Nous, aujourd'hui, notre propos, c'est de dire que les entreprises doivent contribuer selon leurs moyens. Et aujourd'hui, il n'est pas normal que les grandes entreprises, non seulement bénéficient de la baisse de la fiscalité, qui est une tendance longue, et par laquelle Emmanuel Macron, avec sa réforme fiscale, va accentuer encore plus la tendance. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en plus de bénéficier de cette baisse de fiscalité, les grandes entreprises, elles ont les moyens, parce qu'elles sont grandes, elles sont puissantes, de faire de l'évasion fiscale et d'aller chercher des crédits d'impôt dont on peut parfois douter qu'elles en aient vraiment besoin. Et on a tous en tête des exemples d'entreprises qui touchent du CICE et qui, dans le même temps, licencient des salariés. C'est l'exemple de Sanofi, par exemple. Et là, on est, c'est un scandale, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Ford. Pardon ? L'entreprise Ford aussi, à côté de Bordeaux. Oui, mais qui a également reçu. CAC 40. On va peut-être passer à ce que vous vouliez dire, absolument, c'est les solutions, c'est les propositions. Oui. Bien sûr que c'est important. Oui. On ne vous a pas oublié, vous inquiétez pas. Alors, vous aviez plusieurs propositions à faire, notamment sur la répartition des bénéfices entre les actionnaires et les salariés. Oui, alors, avec ce rapport, le message qu'on fait passer, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, elles ont une responsabilité dans la réduction ou l'augmentation des inégalités. Donc Oxfam a lancé une grande campagne pour demander un plus juste partage des richesses dans les grandes entreprises. Et c'est une campagne qui demande à Emmanuel Macron de prendre la question des inégalités à bras le corps. Je le rappelle, aujourd'hui, les 10% les plus riches en France détiennent plus de la moitié des richesses nationales. Donc on est dans ce constat-là. On veut qu'Emmanuel Macron prenne ce sujet à bras-le-corps et qu'il adopte des mesures qui aillent dans trois sens. Le partage des richesses au sein des entreprises, une fiscalité qui soit plus juste, plus redistributive et plus progressive et qui prenne des mesures fortes contre l'évasion fiscale. Ça, c'est des demandes qu'on porte depuis un an. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le climat actuel des gilets jaunes, de cette colère qui gronde et des annonces du président de la République lundi, on voit bien que, on avait vu juste dans notre analyse, on voit là où il y a des solutions. Simplement, il faut aller au-delà des mots aujourd'hui, il faut prendre des actes forts. Donc pour prendre quelques exemples de mesures que nous, on porte fortement. Sur mieux partager les richesses dans les entreprises, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, je vais insister sur un point, à réduire les écarts de salaire. C'est un premier pas vers la réduction des inégalités. Quand aujourd'hui, on est à un écart de 119 fois plus dans les grandes entreprises du CAC 40, entre le salaire du PDG et le salaire moyen, il y a vraiment quelque chose à faire. Oxfam a proposé au gouvernement d'écrire dans la loi PACTE, qui est actuellement en examen au Parlement, qui va revenir donc à partir de janvier en examen, de faire la transparence sur les écarts de salaire par quartile. J'entends par vos questions que vous êtes tous experts. Par quartile, ça veut dire par niveau. Et c'est un moyen de transparence qui permettrait de réduire les inégalités parce qu'on prendrait conscience de l'ampleur de ces inégalités. Sur le volet de la fiscalité plus juste, aujourd'hui, il est indispensable de, je le disais, faire la transparence sur les crédits d'impôt que paient les entreprises, de mettre un coup d'arrêt également sur la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui aujourd'hui, je le rappelais, est sur une tendance de moins 40% depuis 10 ans. Et sur l'évasion fiscale, il y a un enjeu aujourd'hui qui est double. À savoir de dresser une liste crédible des paradis fiscaux. La France, dans la loi contre la fraude fiscale qu'elle a adoptée récemment, a refusé d'inscrire sur sa liste française des paradis fiscaux européens, dont on sait qu'ils sont au cœur des schémas fiscaux, des grands scandales dont on entend malheureusement régulièrement parler. l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Donc il faut absolument sortir de l'hypocrisie aujourd'hui, de cette liste qui n'est pas crédible. Et je le rappelle, quand un pays est listé sur une liste de paradis fiscaux, il y a des sanctions. Donc ce n'est pas une liste de façade. Il y a vraiment un enjeu d'avoir une liste crédible. Et puis c'est aussi la transparence fiscale. Elle existe pour les banques. Aujourd'hui, les banques ont l'obligation de dire publiquement où elles ont des activités, combien elles font d'activités, combien d'impôts elles payent, et ça permet d'identifier quels sont les paradis fiscaux. Aujourd'hui, on demande à ce que cette transparence, elle soit appliquée à toutes les entreprises, des grandes multinationales. Et puis, il y a l'enjeu de la taxation des entreprises. Donc, au-delà de la transparence, aujourd'hui, on entend beaucoup parler avec les géants du numérique, mais la question se pose aussi pour les grandes multinationales qui sont aussi concernées par l'évolution de l'économie numérique. Aujourd'hui, on a besoin de revoir nos règles fiscales pour taxer ces géants du numérique qui, aujourd'hui, font des bénéfices records en France, mais aussi dans les pays européens, et qui payent un impôt dérisoire. Et quand ces grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt, ce sont des ressources en moins pour l'État, pour des services publics de qualité. Et je le rappelle aujourd'hui, l'évasion fiscale en France représente au bas mot entre 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est considérable, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale, premier budget de l'État. Et il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à aller dans ce sens. Je sais que c'est un combat qui est au cœur de l'action d'attaque. Aujourd'hui, énormément d'associations rejoignent ce combat. Et ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, et dans une période récente, on lie les enjeux d'évasion fiscale aux enjeux d'inégalité et de pauvreté. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un signal positif. Et aujourd'hui, une entreprise comme Oxfam qui combat les inégalités et qui porte ce combat de la lutte contre l'évasion fiscale, on est ravis qu'en fait tous ces sujets se lient. Et ça fait complètement écho au climat actuel. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les personnes qui manifestent sur les ronds-points, sur les Champs-Élysées, pour dire qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à terminer décemment la fin du mois, et ben, en disant ça, ils disent aussi qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale. Donc ça, je trouve que s'il devait y avoir une bonne nouvelle dans tout ce qu'on s'est raconté ce matin, c'est qu'il y a une attente citoyenne, il y a une mobilisation de la société civile sur ce sujet. Et on a un président de la République qui dit à la télévision qu'il veut avancer sur ce sujet. Donc j'allais dire, il faut le prendre au mot et lui dire, ben, on est prêt, on a des propositions à faire pour avancer et enfin en finir avec les paradis fiscaux depuis le temps qu'on en parle. Louis a une proposition qui date de quelque temps déjà. Vous allez dire ce que vous en pensez. Oui, ce qu'on appelle le SLAM, ou pour le franciser, l'idée d'une marge actionnariale limite autorisée. Vous connaissez... Vous connaissez non, je ne connais pas cette proposition. C'est une proposition une proposition de Frédéric Lordon qui souhaitait que le versement des actions, des dividendes soit plafonné, en fait. Que le versement des dividendes soit plafonné. D'accord, oui. Très bien. Alors, oui. Dans ce cas-là, c'est une proposition qu'on formule dans le rapport également, d'écrire dans la loi qu'on... un encadrement des versements de dividendes, par exemple, on pourrait très bien écrire dans la loi que quand une grande entreprise fait des pertes, elle a l'interdiction de verser plus de dividendes que l'année précédente. On peut aussi imaginer, et c'est une proposition que ça me fait, qu'on oblige les entreprises de d'abord privilégier le réinvestissement, ce qui lui permet de grandir, et qu'une fois qu'elle a réinvesti, elle doit à minima partagé de manière équitable entre actionnaires et salariés. Tout un tas de dispositifs dont on peut imaginer parfaitement qu'elles soient écrites dans la loi. Et j'allais dire, c'est aujourd'hui indispensable. Et voilà, c'est le message que fait passer Oxfam aussi avec ce rapport, c'est qu'il faut arrêter de dire que les entreprises peuvent s'autoréguler et peuvent elles-mêmes savoir si oui ou non le partage des bénéfices est juste. Aujourd'hui, il y a c'est indispensable, il faut des régulations publiques. Et des régulations publiques, ça passe par la loi. Il faut des obligations fortes pour absolument mettre un terme à cette spirale des inégalités au sein des entreprises. Alors, toute dernière question, avez-vous des chances d'être entendu par notre président jupitérien ? Ben, on l'espère, sinon on ne ferait pas tout ce travail et on ne mènerait pas ces engagements. Comme je disais, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui. Et voilà, il y a une injustice fiscale, sociale qui s'exprime fortement. Dans le même temps, une société civile qui est mobilisée, qui a des propositions sur la table. J'ose espérer qu'on puisse être entendu. En tout cas, c'est ce qu'on va demander avec force. La marche est grande. Néanmoins, le président de la République a décidé de faire de l'enjeu des inégalités une priorité. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc maintenant, on n'a qu'une chose à dire, c'est de passer des paroles aux actes. Et aujourd'hui, à l'évidence, on est sur une mauvaise pente. Donc c'est à nous de nous mobiliser pour faire que les choses s'inversent et qu'aujourd'hui, on puisse faire converger, j'allais dire, les personnes, pour reprendre une expression dont on entend parler, qui lutte pour la fin du monde, lutter pour la fin du mois. Je pense qu'il y a une cause commune derrière tout ça et qu'aujourd'hui, inégalité, pauvreté, écologie, voilà, il y a un fil qui lie ces combats et ces enjeux. Et je crois qu'il est en train de se jouer aujourd'hui. Entendu, on va terminer sur cette phrase plutôt optimiste. Je rappelle qu'effectivement, dans les luttes, nous nous retrouvons à attaque très souvent aux côtés oui. d'Oxfam, aux côtés du CCFD, Terre Solidaire, etc. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Peut-être à bientôt. En tout cas, merci d'avoir été l'invité aujourd'hui de notre émission. Et au revoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le CAC 40 est en hausse et le Nasdaq en légère baisse. Crédit agricole, moins 0,29. À Tokyo, on assiste à un rebond technique et à Londres, les boursiers prennent leurs bénéfices. À Francfort, les marchés sont nerveux. Bouygues Télécom baisse très légèrement. Moins 4,59. American Express. Moins 20. Total reste égal à Total, mais on attend les chiffres du chômage américain. Charlie Hebdo, plus 57,3. Abbas. Hélas, la Société Générale affiche de lourdes pertes et la tendance est baissière. 12,92. Natixis, moins 217,2. Le FTSE à Londres est dans le rouge, mais le CAC se reprend en fin de séance. Car le CAC est notre seigneur et maître, tous les jours nous chantons ses louanges. Thalès, plus 3,72. Valeo, plus 4,62. En lui nous croyons car il crée pour nous des emplois, et nous aimons l'emploi. Alléluia. Et donc, c'était la messe du CAC. Hein, c'est une petite satire hein, conçue et interprétée par le regretté Bernard Maris, alias Oncle Bernard, qui était sorti il y a tout juste 10 ans sur le CD Charlie Hebdo saute sur Noël et bouffe le nouvel an. Magnifique, magnifique. Une chronique courte de Ludovic. Deux poids, deux mesures, c'est la question qui a été immédiatement posée par le gouvernement italien cette semaine quand il a découvert les mesures prononcées par Emmanuel Macron en réponse à la révolte des Gilets jaunes. 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en France selon les premières estimations gouvernementales alors que dans le même temps, l'Italie est sous la menace de sanctions européennes pour avoir proposé un budget 2019, tablant sur un déficit de 2,4% du PIB. La Commission européenne semble vouloir manifestement fermer les yeux sur le déficit français qui risque donc de dépasser allègrement les 3,4%. L'extrême tolérance dont semble donc vouloir faire preuve la Commission européenne, et en particulier l'inénarrable Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, comme vous le savez, à l'égard de la France, est jugée insupportable par le gouvernement italien. Il y a quelques semaines à peine, Moscovici était l'un des responsables européens qui s'était montré le plus inflexible à l'égard de la coalition italienne. Donc la Commission européenne, de plus en plus inquiète des développements du mouvement des Gilets jaunes et des répercussions en Europe, a décidé de suivre le gouvernement français, les traités autorisant un pays à déroger momentanément de sa trajectoire de réduction de déficit budgétaire en cas de force majeure, crise, effondrement bancaire, etc. Illustration de la grande incompréhension, de la grande compréhension européenne, elle n'examinera l'évolution du budget français qu'au printemps, une fois que la crise sociale sera censément être achevée, et surtout après les élections européennes. Mais cela n'est pas faire preuve d'indulgence, se défend Moscovici. Je cite dans Le Parisien, ce sont nos règles et rien que nos règles. Ne faisons surtout pas comme s'il y avait d'un côté une sévérité excessive et de l'autre, je ne sais quel laxisme. La comparaison avec l'Italie est tentante, mais erronée, car les situations sont totalement différentes. Fin de citation. Alors, je terminerai là-dessus. La comparaison, me semble-t-il, est tout à fait fondée. Et manifestement, l'analyse de la Commission européenne sur les questions de déficit sont manifestement politiques et biaisées. Il s'agit en effet de taper sur le méchant populiste italien et bien sûr de laisser une certaine liberté à Macron qui manifestement est en odeur de sainteté, en plus grande odeur de sainteté auprès des dirigeants européens et on le comprend aisément. Oui, on passe aux actus d'attaque. Oui. À René. Eh bien, déjà au plan national, suite de la campagne hashtag pas avec notre argent, donc avec le livret de développement durable et solidaire, une première victoire, la Caisse des dépôts annonce un désinvestissement du charbon. Lors du Climate Finance Day, le 28 novembre, Éric Lombard, directeur de la Caisse, a indiqué qu'à partir de 2019, la Caisse, principal collecteur des fonds du livret de développement durable et solidaire, n'investira plus dans les entreprises dont l'exposition à l'activité charbon dépasse 10% du chiffre d'affaires. Ensuite, la COP24. À l'urgence climatique, les États répondent par un désengagement coupable. La COP24, qui s'est tenue à Katowice, en Pologne, du 2 au 14 décembre, ne déroge malheureusement pas à la règle. Attaque France appelle à un sursaut politique pour enterrer les politiques économiques qui ne sont ni climato-compatibles ni justes socialement. Déjà, un appel à manifester le vendredi 14 et le samedi 15 décembre à l'initiative d'Attaque et de la Fondation Copernic. Macron ne cède rien ou presque. Nous, on lâche rien. Amplifions les mobilisations pour la justice sociale et climatique. Apparu pour refuser une augmentation. Si on unique des prix des carburants, le mouvement des Gilets jaunes a mis dans le débat public l'ensemble de la politique sociale du gouvernement et des politiques néolibérales mises en œuvre depuis des décennies. Il a affirmé avec force le lien entre la question sociale et écologique et la nécessaire transition écologique ne peut se faire sur le dos de la majorité de la population. Alors que le pouvoir reste sourd aux exigences légitimes exprimées, nous appelons à participer aux mobilisations les jours à venir pour exiger la justice sociale, fiscale et écologique. Dernier point, communiqué de presse, passage du traité Japon-Union européenne, le JEFTA, au Parlement européen. Une très mauvaise nouvelle pour les citoyens de la planète. Un mot quand même pour dire au plan local que Attaque Métropole va concentrer son activité sur les transports gratuits à Roubaix et que nous invitons le 21 janvier au foyer du théâtre de Pierre de Roubaix Damien Carême, maire connu de Grande-Synthe, qui va nous parler de la gratuité des transports à Dunkerque, avec Fabien Desage, qui lui va nous parler, va nous contextualiser sur le plan local les informations. Voilà, on va passer au l'agenda militant, oui. Avec Florent. Donc, Al Jazeera vient de diffuser un reportage dans lequel on découvre ce qu'est Génération Identitaire, un gros opuscule fasciste ultra-violent. Dans ce reportage, on apprend entre autres que Rémi Falise, membre de la Citadelle, est proche de Aurélien Verracel et a planifié en détail un potentiel attentat à la voiture Bélier sur le marché d'Oisem. Que les identitaires ont commis en direct une agression gratuite et ultra-violente et que la seule raison de cette agression est que les jeunes filles sont identifiées comme arabes par le groupe. Sans même parler des nombreux saluts nazis et des références incessantes au troisième Reich qu'ils profèrent. Aurélien Verracel et d'autres membres de Génération Identitaire sont employés par le Rassemblement National, ce qu'on découvre dans le documentaire, pour écrire les discours en tant qu'attachés parlementaires ou encore pour assurer la sécurité du parti. Et enfin, que des policiers, y compris des commissaires, fréquentent assumément le bar. Et donc, Action antifasciste l'avait prévenu, Al Jazeera l'a filmé. Qu'attendent Martine Aubry et la préfecture pour faire fermer ce local fasciste? Donc, une grande manifestation est prévue le dimanche 23 décembre à 14h, place de la République à Lille. La démocratie en question, ça sera le thème de la prochaine rencontre des jeudis philo du Vieux-Lille, le jeudi 20 décembre à 19h à la maison de quartier du Vieux-Lille. Sujet proposé, introduit par Fabio Visconti. Débat conduit par Bruno Léric. Tout le monde est le bienvenu, venez nombreux. Le thème de l'effondrement de la civilisation industrielle, très présente dans les années 70, revient actuellement en force. Depuis l'apparition du best-seller Collapse de Jared Diamond en 2006, il ne se passe guère un mois sans qu'un nouvel essai, un article ou une tribune nous prédise un effondrement à court terme des grandes structures productives et politiques du monde industriel. Cette vogue de l'effondrement, à laquelle ne se réduit pas la pensée, que la pensée écologique contemporaine, est bien entendu liée à la crise environnementale. La sixième extinction, les espèces, le réchauffement prévisible à 3 degrés en 2100 et plus généralement la perturbation des cycles bio-géochimiques, bref, ce que les scientifiques du système Terre appellent l'anthropocène. Mais effondrement est-il le bon mot? À la lumière des expressions extinction, cataclysme, collapsologie, nous nous proposons, dans le cadre de ce regard d'expert, de réfléchir ensemble et de débattre sur l'actualité de l'effondrement avec Vincent Mignoreau, fondateur de l'association Adristia, et Luc Semal, maître de conférences en sciences politiques au Musée national d'histoire naturelle et membre de l'Institut Momentum. Donc, pour parler de tout ça, ce sera le jeudi 17 janvier, je précise bien en janvier, de 18h à 20h à Sciences Po Lille, 9 rue Auguste Angelier, sur inscription dans la limite des places disponibles. Merci Florent. Vous retrouvez bien sûr toutes ces informations sur Démosphère Lille. Voilà, il est 12h57. Notre émission s'achève. Nous allons vous souhaiter à chacune et chacun de bonnes fêtes de fin d'année. Vous serez peut-être autour des ronds-points en train de nous écouter. C'est ce qu'on souhaite. J'espère qu'on vous a éclairé sur un certain nombre de points, au moins Oxfam et Pauline Leclerc. Nous vous souhaitons donc de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous retrouvons sans aucun doute en janvier, le 20 janvier, pour parler de PARC, qui est l'association qui défend la... qui défend donc la friche de Saint-Sauveur, comme chacun sait. Contre un projet immobilier, merci René de l'avoir précisé. Voilà, bonne fête de fin d'année. Nous nous retrouvons et nous vous rappelons rapidement le rendez-vous du 20 janvier. Damien Carême au théâtre Pierre de Roubaix à 18h30 au théâtre Pierre de Roubaix le 21 janvier avec Fabien Desage. Venez nombreux, on va parler de la possibilité de transformer les transports payants en transports gratuits en une plus grande justice sociale, pour le dire plus généralement. À bientôt. Dancing, teenagers romancing, it's ba-ba-bum time, they say. Freddy, get ready, come do the rock steady, it's festival five, this the year. You hear the children sing, whoa, whoa.